Juge chapitre 9. Et Abimélec, fils de Jérubal, s'en alla à Sichem vers les frères de sa mère, et leur parla, et à toute la famille de la maison du père de sa mère, en disant, « Je vous prie, faites entendre ces paroles à tous les seigneurs de Sichem, lequel vous semble le meilleur, ou que 70 hommes, tous enfants de Jérubal, dominent sur vous, ou qu'un seul homme domine sur vous, et souvenez-vous que je suis votre os et votre chair. » Les frères donc de sa mère dirent de sa part toutes ces paroles, les seigneurs de Sichem l'entendant, et leur cœur fut incliné vers Abimélec, car ils dirent, c'est notre frère. Et ils lui donnèrent 70 pièces d'argent prises de la maison de Baal-Bérite, avec lesquelles Abimélec leva des hommes n'ayant rien, et vagabonds, qui le suivirent. Et il vint en la maison de son père à Ophra, et tua sur une même pierre ses frères, enfants de Jérubal, qui étaient 70 hommes, mais Jotham, le plus petit-fils de Jérubal, demeura de reste, parce qu'il s'était caché. Et tous les seigneurs de Sichem s'assemblèrent, avec toute la maison de Milo, et ils vinrent, et établirent Abimélec pour roi auprès du bois de chêne qui est en Sichem. Et on le rapporta à Jotham, qui s'en alla, et se tint au sommet de la montagne de Guérizim, et élevant sa voix, il cria, et leur dit, « Écoutez-moi, seigneurs de Sichem, et que Dieu vous entende. » Les arbres allèrent un jour en toute diligence pour oindre sur eux un roi, et ils dirent à l'olivier, « Règne sur nous. » Mais l'olivier leur répondit, « Me ferait-on quitter ma graisse, par laquelle Dieu et les hommes sont honorés, afin que j'aille m'agiter pour les autres arbres ?» Puis les arbres dirent au figuier, « Viens-toi, et règne sur nous. » Et le figuier leur répondit, « Me ferait-on quitter ma douceur, et mon bon fruit, afin que j'aille m'agiter pour les autres arbres ?» Puis les arbres dirent à la vigne, « Viens-toi, et règne sur nous. » Et la vigne répondit, « Me ferait-on quitter mon bon vin, qui réjouit Dieu et les hommes, afin que j'aille m'agiter pour les autres arbres ?» Alors tous les arbres dirent à l'épine, « Viens-toi, et règne sur nous. » Et l'épine répondit aux arbres, « Si c'est en sincérité que vous moignez pour roi sur vous, venez, et retirez-vous sous mon ombre, sinon, que le feu sorte de l'épine, et qu'il dévore les cèdres du Liban. Maintenant donc, si vous avez agi avec sincérité et avec intégrité, en établissant Abimélec pour roi, et si vous en avez bien usé envers Jérubal et sa maison, et si vous lui avez fait selon qu'il vous y a obligé par ses actions, car mon père a combattu pour vous, et a exposé sa vie, et vous a délivré de la main de Madian. Mais vous vous êtes élevé aujourd'hui, contre la maison de mon père, et avez tué sur une pierre ses enfants, qui étaient 70 hommes, et avez établi pour roi Abimélec fils de sa servante, sur les seigneurs de Sichem, parce qu'il est votre frère. Si, dis-je, vous avez agi aujourd'hui avec sincérité et avec intégrité envers Jérubal, et envers sa maison, réjouissez-vous d'Abimélec, et qu'il se réjouisse aussi de vous. Sinon, que le feu sorte d'Abimélec, et qu'il dévore les seigneurs de Sichem, et la maison de Milo, et que le feu sorte des seigneurs de Sichem, et de la maison de Milo, et qu'il dévore Abimélec. Puis Jotham s'enfuit en diligence, et s'en alla à Bé, et y demeura, à cause d'Abimélec son frère. Et Abimélec domina sur Israël 3 ans. Mais Dieu envoya un mauvais esprit entre Abimélec et les seigneurs de Sichem, et les seigneurs de Sichem furent infidèles à Abimélec. Afin que la violence faite aux 70 fils de Jérubal, et leur sang, retournât sur Abimélec leur frère, qui les avait tués, et sur les seigneurs de Sichem, qui lui avaient tenu la main pour tuer ses frères. Les seigneurs de Sichem donc lui mirent des embûches sur le sommet des montagnes, et ils pillaient tous ceux qui passaient près d'eux par le chemin. Ce qui fut rapporté à Abimélec. Alors Gaal, fils d'Ébed, vint avec ses frères, et ils entrèrent dans Sichem, et les seigneurs de Sichem eurent confiance en lui. Puis étant sortis au champ ils vendangèrent leurs vignes, et enfoulèrent les raisins, et firent bonne chère, et ils entrèrent dans la maison de leur dieu, et ils mangèrent, et burent, et maudirent Abimélec. Alors Gaal, fils d'Ébed, dit, « Qui est Abimélec, et quel est Sichem, que nous servions Abimélec, n'est-il pas fils de Jérubal ? » Ézébul n'est-il pas son prévôt? Servez plutôt les hommes des morts, père de Sichem. Mais pour quelle raison servirions-nous celui-ci? Plus à Dieu qu'on me donna ce peuple sous ma conduite, et je chasserai Abimélec. Et il dit à Abimélec, multiplie ton armée, et sors. Ézébul, capitaine de la ville, entendit les paroles de Gaal, fils d'Ébed, et sa colère s'enflamma. Puis il envoya adroitement des messagers vers Abimélec, pour lui dire, voici, Gaal fils d'Ébed, et ses frères, sont entrés dans Sichem, et voici, ils arment la ville contre toi. Maintenant donc lève-toi de nuit, toi, et le peuple qui est avec toi, et mets des embûches aux champs. Et au matin, environ le soleil levant, tu te lèveras de matin, et te jetteras sur la ville, et voici, Gaal et le peuple qui est avec lui, sortiront contre toi, et tu lui feras selon que tu en trouveras le moyen. Abimélec donc se leva de nuit, et tout le peuple qui était avec lui, et ils mirent des embûches contre Sichem, et les partagèrent en quatre bandes. Alors Gaal, fils d'Ébed, sortit, et s'arrêta à l'entrée de la porte de la ville, et Abimélec, et tout le peuple qui était avec lui se levèrent de l'embuscade. Et Gaal ayant aperçu ce peuple-là, dit à Zébul, voici du peuple qui descend du sommet des montagnes. Et Zébul lui dit, tu vois l'ombre des montagnes, comme si c'était des hommes. Et Gaal parla encore, et dit, voilà du peuple qui descend du milieu du pays, et une bande vient du chemin du bois de chêne des devins. Et Zébul lui dit, où est maintenant ta ventrie, quand tu disais, qui est Abimélec, que nous le servions? N'est-ce pas ici ce peuple que tu as méprisé? Sors maintenant, je te prie, et combat contre eux. Alors Gaal sortit conduisant les seigneurs de Sichem, et combattit contre Abimélec. Et Abimélec le poursuivit, comme il s'enfuyait de devant lui, et plusieurs tombèrent morts jusqu'à l'entrée de la porte. Et Abimélec s'arrêta à Ruma, et Zébul repoussa Gaal et ses frères, afin qu'ils ne demeurassent plus dans Sichem. Et il arriva dès le lendemain que le peuple sortit aux champs, ce qui fut rapporté à Abimélec, lequel prit du peuple, et le divisa en trois bandes, et les mit en embuscade dans les champs, et ayant aperçu que le peuple sortait de la ville, il se leva contre eux, et les défit car Abimélec, et la bande qui était avec lui se répandirent, et se tinrent à l'entrée de la porte de la ville, mais les deux autres bandes se jetèrent sur tous ceux qui étaient aux champs, et les défirent. Ainsi Abimélec combattit tout ce jour-là contre la ville, et prit la ville, et tua le peuple qui était, et ayant rasé la ville, y sema du sel. Et tous les seigneurs de la tour de Sichem, ayant appris cela, se retirèrent dans le fort, qui était la maison du dieu des rites. Et on rapporta à Abimélec, que tous les seigneurs de la tour de Sichem, s'étaient assemblés dans le fort. Alors Abimélec monta sur le mont Salmon, lui et tout le peuple qui était avec lui, et Abimélec prit une hache, et coupa une branche d'arbre, et l'ayant mise sur son épaule, la porta, et dit au peuple qui était avec lui, avez-vous vu ce que j'ai fait, dépêchez-vous, faites comme moi. Chacun donc de tout le peuple coupa une branche, et ils suivirent Abimélec, et mirent ses branches tout autour du fort, et ayant mis le feu, ils brûlèrent le fort. Et toutes les personnes de la tour de Sichem moururent, au nombre d'environ 1000, tant hommes que femmes. Puis Abimélec s'en allant à Thébai, y mit son camp, et la prit. Or il y avait au milieu de la ville une tour forte, où s'enfuirent tous les hommes et toutes les femmes, et tous les seigneurs de la ville, et ayant fermé les portes après eux, ils montèrent sur le toit de la tour. Alors Abimélec venant jusqu'à la tour, l'attaqua, et s'approcha jusqu'à la porte de la tour pour la brûler par feu. Mais une femme jeta une pièce de meule sur la tête d'Abimélec, et lui cassa le crâne. Lequel ayant appelé incessamment le garçon qui portait ses armes, lui dit, tire ton épée, et me tue, de peur qu'on ne dise de moi, une femme l'a tué. Son garçon donc le transperça, et il mourut. Et ceux d'Israël voyant qu'Abimélec était mort, s'en allèrent chacun en son lieu. Ainsi Dieu rendit à Abimélec, le mal qu'il avait commis contre son père, en tuant ses 70 frères, et toute la méchanceté des hommes de Sichem, Dieu, dis-je, la fit retourner sur leur tête, et ainsi la malédiction de Jotham, fils de Jérubbaal, vint sur eux.